Si tu m'as vu couler, c'est que dans un bang à eau. Tu pourras prendre ma place au moins quand je serai là-haut. La réussite me suit quand je quitte mon labo. Les parasites se perdent à croire qu'ils volent ma peau. J'ai une grande envie de réussir, j'ai pas caché. J'ai pris le mic en disant qu'il faut tout cracher. À force d'être tombé, ils ont eu peur de grimper. Ils veulent de la monnaie mais n'osent pas l'attraper. Même si je ne manque pas, même si j'ai trop les crocs. Mon indépendance t'a rendu dépendant de Calico. Je viens mettre tes points sur les i et les barres sur les t. La réussite chez nous est devenue normalité. C'est dans nos textes que tu trouveras de l'or. Y'a que dans vos têtes mec qu'il faut se mettre d'accord. Si tu regardes ailleurs, tu finis dans le décor. Alors on tourne la page et puis on change de corps. Ma réussite je la dois à tous mes proches. Ils m'ont tanné en me disant gaffe faut que tu t'accroches. Accroche-toi à tes rêves, accroche-toi à la relève. Réflexion, j'ai pris la permission. Ma réussite, je la dois à tous mes proches. Ils m'ont tanné en me disant gaffe, faut que tu t'accroches. Accroche-toi à tes rêves, accroche-toi à la relève. Après réflexion, j'ai pris la permission. Toujours à chercher le chemin, on verra ça demain. Voilà le discours que j'avais, il y a déjà quelques temps. Des personnes étaient là et m'ont tendu la main. M'ont mis dans droit chemin et non pas face au vent. Ouais, j'ai trimé, trimé pour en arriver jusque là. J'ai gratté, gratté jusqu'à m'en casser les doigts. Aujourd'hui diplômé, fallait être motivé. Et depuis le son, on s'en met plein la tête. Après le swag, on a punché in the bag. Mon gars, ce qu'on te raconte, c'est sûr, c'est pas des blagues. L'apogée est arrivée, la mixtape a ambiancé. On s'est trop défoulé, ça pète, venez danser. Fallait mieux t'arrêter si tu pouvais nous doubler. T'as perdu la tête quand tu nous as écoutés. Dans le cible, dans l'eau, nous a éclairé. Et même si la défaite nous a éclairé. Ma réussite je la dois à tous mes proches. Ils m'ont tanné en me disant gars faut que tu t'accroches. Accroche-toi à tes rêves, accroche-toi à la relève. Après réflexion, j'ai pris la permission. Ma réussite je la dois à tous mes proches. Ils m'ont tanné en me disant gars faut que tu t'accroches. Accroche-toi à tes rêves, accroche-toi à la relève. Après réflexion, j'ai pris la permission.